Voilà, frères et sœurs, vous avez entendu encore cet évangile, quelques mots où nous... Vous voyez, ce qui est merveilleux dans l'évangile, c'est que si on regarde bien, on écoute bien, on est vraiment en présence de Jésus, ce Jésus vraiment réel. Il faut penser à ça souvent, que lorsque nous lisons l'évangile, nous écoutons, nous regardons la vie de Jésus, nous ne regardons pas une fiction, nous regardons une réalité, un vrai homme qui a vécu sur terre et qui réellement a fait, dit ce qui est écrit dans l'évangile. Alors aujourd'hui, nous le voyons entrer dans une ville, et puis, comme d'habitude, il est entouré de beaucoup de monde, et vous pouvez l'imaginer, il est là, il entre dans une ville, et puis quelqu'un s'approche de lui, un homme couvert de lèpre, un lépreux, mais couvert de lèpre, complètement, c'est-à-dire il est vraiment à un stade très avancé de lèpre. Donc, forcément, quelqu'un qui est complètement rejeté de la société, comme étaient les lépreux, il n'a pas le droit de s'approcher des hommes. Il doit rester à distance. Et donc, cet homme survient, il voit Jésus et il se prosterne devant lui. Il tombe la face contre terre. Alors ça, vous voyez, c'est un signe très fort. Cet homme qui est couvert de lèpre, qui est rejeté par la société, par tous, bien sûr, parce qu'on a peur d'attraper cette lèpre aussi, et qui, en plus de ça, même dans les textes, n'a droit à rien, est impur. Est impur, vous vous rendez compte? Il est impur, donc il est vraiment rejeté complètement. Il n'a même pas le droit de s'approcher du temple, il n'a pas le droit de prier, il n'a le droit de rien. Eh bien cet homme-là s'avance près de Jésus et se prosterne. Lui qui n'a même pas le droit de s'approcher de Dieu, s'approche de Jésus, se prosterne et met la face contre terre. Vous voyez, dans sa pauvreté, eh bien, il va reconnaître que Jésus est Dieu et il va le manifester. Voilà, je sais que tu es Dieu. C'est très beau ce geste de cet homme. Il se sait indigne, mais justement, il a au fond de son cœur, comme attiré par la grâce, comme éclairé par la grâce de Dieu, la certitude que justement Jésus est venu pour lui. Que justement Dieu aime ceux qui sont rejetés. Que justement Dieu aime les pauvres, les misérables. Et ça, c'est un signe pour chacun d'entre nous. Voyez, parce que peut-être que parfois, l'Esprit Saint nous éclaire sur la lèpre qu'il y a dans notre âme, hein, sur notre péché. Et parfois, il peut arriver, et c'est une très grande grâce, que nous nous sentions vraiment, mais alors vraiment lépreux, comme une plaie ouverte, comme des misérables qui sommes vraiment de grands pécheurs. Eh bien, il faut penser à cette attitude de ce lépreux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se prosterner devant Jésus. Et en se prosternant, vous voyez, il dit cette phrase magnifique, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Qu'est-ce que c'est beau cette phrase. Quelle humilité, vous voyez, il ne dit pas « Purifie-moi, purifie-moi !» « Si tu le veux. » Ce n'est pas « Si tu le peux !» Parce qu'il sait, vous voyez, comme il reconnaît la toute-puissance de Jésus, il sait que Jésus peut. Mais « Si tu le veux, si tu le veux, Seigneur, tu peux... » tu peux me purifier. » Alors, voyez, Jésus, eh bien, il réfléchit pas deux secondes, il voit cet homme misérable, cet homme couvert de lèpre, avec tant d'humilité, qui reconnaît sa divinité, mais immédiatement, Jésus va répondre. Et comment est-ce qu'il répond? Alors là, c'est très surprenant, Jésus étend la main, c'est un geste très très beau, très fort, qui manifeste que, bien, voyez, comme la main de Dieu, qui va s'étendre sur les hommes, la main de Dieu qui n'est pas là pour frapper les hommes, pour les punir, mais qui est là pour les guérir, cette main de Jésus qui va s'étendre et qui va toucher le lépreux. Oh, vous vous rendez compte? Cette main de Jésus qui va toucher le lépreux alors que personne n'a le droit de le toucher, que tout le monde s'écarte quand il s'approche, et bien Jésus, vous voyez, s'approche lui et touche ce lépreux. Il vient le toucher parce que il sait que sa puissance divine peut tout éradiquer. Il n'a aucune crainte, lui, de tomber malade, d'attraper cette lèpre. Il est Dieu et il sait qu'il est là justement pour repousser la lèpre. Alors il touche ce lépreux en lui disant « je le veux, sois purifié ». Et à l'instant même, ce lépreux est purifié. Alors vous voyez, juste après ça, Jésus lui ordonne de ne dire à personne ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'il ordonne ça? certainement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne veut pas, c'est le début du ministère de Jésus, il ne veut pas que trop vite les choses s'ébruitent. Et Jésus n'a pas pu résister. Il a été obligé de le guérir, mais il ne veut pas que ça sache trop vite, parce qu'il ne veut pas que, eh bien, que le programme aille trop vite, qu'on le tue trop rapidement, que les pharisiens aient trop vite jalousie contre lui. Donc il veut que les choses se fassent dans le temps de Dieu. Et puis il va lui dire, ne le dis à personne, la deuxième raison pourquoi il le dit de ne le dire à personne, c'est parce que, voyez, lorsque nous recevons des grâces, eh bien nous pourrons avoir la tentation de les publier trop rapidement, si bien qu'elles ne font pas l'œuvre qu'elles doivent faire en nous. Il faut que les grâces que nous recevons, nous puissions d'abord les recueillir en nous-mêmes et que nous essayions de comprendre ce que Dieu veut nous dire à nous. Et c'est l'œuvre de l'intériorité, vous voyez. Jésus veut éduquer cet homme à une vie intérieure, à accueillir au fond de son âme, puisque c'est là que ça se joue. C'est pas uniquement la lèpre, c'est au fond de son âme que les choses se jouent. Lorsque Dieu donne une grâce, lorsqu'il guérit, c'est pour guérir les âmes d'abord, pas seulement les corps. Et puis Jésus va l'envoyer voir les prêtres et demander de donner pour cette purification ce que Moïse a prescrit. Et il rajoute, ce sera pour tous un témoignage. Vous voyez ce que Jésus essaie de faire ? Il essaie de faire comprendre à tous que c'est bien le Dieu d'Israël qui agit. Va te montrer aux prêtres hébreux, aux prêtres d'Israël, et va donner pour ta purification ce que Moïse a prescrit. C'est-à-dire que vraiment, il faut que tu te conformes à la loi de Dieu, puisque c'est Dieu qui a agi. Et il faut que tout le monde le sache. Je suis Dieu d'Israël. Je ne suis pas un autre Dieu, je ne suis pas un outsider qui vient détrôner la place de Dieu. Je suis ce Dieu-là. Donc c'est à ce Dieu-là que tu dois rendre un culte. Donc va voir les lépreux. Et puis alors, voyez, hein, on lit l'Évangile, on continue les quelques versets qui suivent. Eh bien forcément, les gens ont vu ça. Et alors de plus en plus quand même, on parle de Jésus et ça se sait. Et les grandes foules accouraient pour voir Jésus. Alors, voyez ce qu'on dit, ils accouraient pour l'entendre. D'abord pour l'entendre. Et ensuite, pour se faire guérir de leur maladie. Alors là, il faut aussi que nous comprenions ça. Les gens ont compris que ce qui était merveilleux chez Jésus, c'est d'abord sa parole, d'abord ce qu'il nous dit, et que cette parole, eh bien, elle agit en fond de notre cœur. Et c'est pour ça d'abord qu'on vient voir Jésus. Pas d'abord pour être guéri de nos maladies, même si ça fait partie de ce que Jésus veut nous donner, mais d'abord pour entendre, écouter sa parole, pour nous laisser enseigner par lui, pour que sa parole vienne percuter notre cœur et nous transformer. Hein ? Et lui, Jésus, vous voyez, il ne cherche pas la publicité, il ne cherche pas absolument à être reconnu par tous, il ne cherche pas à être aimé et à être adulé. Au contraire, alors que tout le monde le cherche, eh bien, il se retire dans des endroits déserts pour pouvoir vivre avec son Père, aimer son Père. Il ne cherche pas la célébrité, Jésus. Bien sûr, il veut séduire les hommes pour les amener à Dieu, mais il cherche surtout à faire la volonté de Dieu, le Père. Tous ces enseignements, vous voyez, dans une petite page de l'Évangile, on pourrait dire encore bien des choses, mais c'est déjà suffisant, je crois, pour nous ce matin. Que le Seigneur répande sa grâce en nos âmes, alors que nous allons célébrer l'Eucharistie, qu'il vienne nous toucher lui aussi, et surtout que cette parole, sa parole, fasse son œuvre en notre cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.